rappeurs médiateurs prestige. Va falloir que tu te résignes. Charmant, les rappeurs sont des canards, alors faites-moi un signe. Y'a que les charlots et toi qui vivent du bitume et de la rue. Va falloir que tu sois pendu pour sortir un peu soutenu. Easy, j'suis busy comme 50, j'suis mixé, placé et cendré. J'rappe canon sur la danse, c'est haram, comment ils sont flingués. Y'a pas que les singes polos qui se mangent la banane. Comme les beurrettes, parole d'homme, moi j'fais rester dans l'anal. J'ai la rime et la force qui les blesse. Se tête, dans ma tête, j'suis le best, c'est la crise grosse et la S. Roi sans couronne, donc détrône le best. Instinct de survie, donc desserre les fesses. J'brille, j'élimine, j'suis dans le réseau, bim, j't'élimine, c'est pour du Zeyo. Punch à les rimes, bouge et coulé comme le Titanic, t'as pris l'eau. Vida loca, tu diras que ça ira dans la ria de la Ouida. Tu plongeras, on t'oubliera. Kiksa, Dida. De tous nos rêves et de foutre écarté le départ. C'est la crise, tout se paie un jour, tôt ou tard. On est sans limite, on est sans limite. Avec le temps, le recul, j'ai vu mes rêves au placard. Besoin d'ailleurs, rien n'est pas. Voilà le casse. On est sans limite. On est voilà sans limite. AK-47 entre les canines, pourtant j'fais ça bien. Récarbure aux amphétamines, j'ai d'autres incès avec rien. Fais pas semblant, t'as kiffé. Crari la menace, j'fais mes appels. J'ai pas ton time occupé. Retour de flamme, trop sévère. Punch, lune pleine d'une autre galaxie. J'vis dans ma web, dans mon turfu. Un fut avec Kitty. La heure s'y attendait pas. Prototype et idée. Trop de flow, haraga. Brûlé game, Arisa. J'fais sa lèche, crapulax. Envie à ma verge, j'achète pas des tailles sponsorisées du reste. J'ai si coulé dedans l'air, j't'implique dans les bails ici. Raconte ma vie en caractère. Follow, tu retweet. Sorry, you're the best. Non, sorry, je te baisse. Le sort est trop balèze et mes rafales, oui, te blesse. God bless me, j'ai la foi et sans le flouze, j'éviterai les bras droits. Jamais de bouse. De tous nos rêves et de foutre écarté le départ. C'est la crise, tout se paie un jour, tôt ou tard. On est sans limite, on est sans limite, on est sans limite. Avec le temps, le recul, j'ai vu mes rêves au placard. Besoin d'ailleurs, rien n'est pas, voilà le casse. On est sans limite, on est voilà sans limite, on est sans limite. 94 étoiles comme James, te vois la face. Paillettes et strass comme les tasses, tu schlingues le casse. Rythmique et gimmick, ok, leur flow n'est pas valable. J'ai la rage au mic, j'pose comme un malade. Bip bip bip, je des bip bip bip, c'est ça le beat que j'ai dans feat. Ils veulent construire leur carrière, mais non pas une brique. Avec des gangstas, j'préviens, t'es pas. Grosse merde, smec ta rue rime, haglas. Issu d'un peu partout, représente mes goûts du nord au sud. T'es déjà sur un peu, non, j'suis au top. Sans demi-mesure, pas de perdu dans la foule. T'inquiète, le juré m'épargne, j'accuse le coup sur ton scar là parce que j'ai trop de zhar. J'ai gribouillé des tas des tonnes. Fais pas ça, mais ça détonne. J'assure au gaz à l'acétone. Lyricalement dans mes corps, puis on m'a dit voilà, c'est dead. Faut décaler, puis j'ai croisé le rap en secret en doggy sur les harmonies. De tous nos rêves et de foutre écarté le départ. C'est la crise, tout se paie un jour, tôt ou tard. On est sans limite, on est sans limite, on est sans limite. Avec le temps, le recul, j'ai vu mes rêves au placard. Besoin d'ailleurs, rien n'est pas, voilà le casse. On est sans limite, on est sans limite.